Attention les enfants, accrochez-vous, j'espère que vous êtes bien de l'autre côté de la radio, que vous allez bien ouvrir vos esgourdes, puisque nous avons ce soir notre ami Gérard de Suresne qui est avec nous. Bonsoir Gérard, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va. Bien en forme? Ouais, ben... Ouais, je sais pas ce que c'est ton histoire. Bah, c'est pas moi, on m'a demandé à ce qu'on t'appelle. Donc déjà content de t'avoir, puisque c'est déjà pour annoncer que prochainement il y aura un débat sur les JO, et que les JO c'est demain ou après-demain que ça commence, hein. Non, ça a commencé ce matin. Ça a commencé ce matin. Ouais. Donc, non, demain, espèce d'andouille. Ça commence demain, je crois. Hein. Ouais, mais il y avait la cérémonie ce matin. Ah, d'ouverture, oui, la peut-être. La cérémonie d'ouverture, c'est demain à 9h30 sur Antenne 2. Putain, France il 2. Est con. Ouais, bah heureusement, bah, hey, c'est normal que tu sois bien informé, puisque c'est toi qui vas faire un débat sur les JO. Ça sera pas ce jeudi-là, mais jeudi prochain. Hein. Bah, la semaine prochaine. La semaine prochaine, Gérard. Hein. C'est ça? Ouais. D'accord, ok, très bien. Eh bah, ben écoute, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Attends, qu'est-ce que c'est que ce magouille, là? Bah, moi, on m'a dit, tiens, t'auras Gérard pour démarrer. Moi, je pensais que t'avais quelque chose à me dire. Moi, j'ai rien à te dire. Bah, je sais pas, Manu, il me dit, ouais, il y a bah, Manu. Bah, non, mais c'est Fildar et Manu. Non, moi, Anka, elle m'a dit, il y a un truc. J'ai un message, d'accord. C'est de la part de Fildar et de Manu. Apparemment, il y a une surprise pour toi. Alors, on va lui parler. Je ne sais pas qui c'est. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, qui c'est? C'est Christine. Oh, Christine! L'ex de Gérard, comment vas-tu, Christine? Ouais, ça va très bien. Ah, c'était ça la surprise que vous aviez préparée à Gérard? Gérard? Ah, j'ai pas lui dire bonjour. Gérard? Ouais. Bonjour, Gérard. Ça va te faire foutre, toi. Non, ça polie. Hein. Moi, je voudrais bien être calme avec toi, mais ça polie un peu. Respecte un peu les gens. Mais attends, tu crois que je vais te respecter après ce que tu m'as fait? Non, mais tu te mets les doigts dans le cul, là. Faut pas s'en passer. Mais non, mais moi, je suis pris, ça y est, ok? Alors maintenant, tu un copain. Ouais, quoi? J'ai un petit ami, moi aussi. Mais non, mais qu'est-ce que... Je m'en bats les couilles. Ça fait longtemps que j'ai avec lui, hein. Mais je m'en fous, moi. Alors, comment tu me parles? Je parle trop chien, quand même. Oh, ouais, ça va. Alors, c'est de la part de Fildar et de Manu, apparemment, cette surprise. Fildar! Ouais, il est là, ouais. Les gros cons, là. Les gros cons, le prochain coup, tu fermes ta gueule. Mais attends, elle nous a appelé, c'est Christine qui nous a appelé en nous disant, bah tiens, j'ai un nouveau numéro de portable, appelez-moi, ça me ferait plaisir de vous avoir, et surtout de parler à Gérard, parce que je l'aime encore, elle me dit. Non, je l'aime pas, pour amitié, c'est tout. Ah oui? Ah oui, d'accord, mais t'as encore un petit peu, tu penses encore un petit peu à lui, quand même. Non, il était sympa avec moi au début, c'était... Ouais, c'est bon, alors, Gérard... On a passé des bons moments. C'est vrai, Gérard? Ah oui, avec les cotons-tiges, tout ça, c'était bon. Oh, c'est du passé, ça, faut pas remettre ça au passé. Ouais, mais enfin, quand même, c'est vrai que c'était un grand moment, quoi. Gérard, t'as l'air de... Tu fais la gueule, Gérard? Ouais, si c'est ça, la surprise, il peut se la carreau au cul, Manu et Fulgard. C'est Gérard, ça polie, quand même, vous êtes sympa, quand même. Ouais, non, mais j'ai pas d'ordre à recevoir d'autres personnes. Non, mais c'est vrai. Parce que là, il faut quand même expliquer aux auditeurs. Je te respecte, hein. Alors, pour moi, je te dis, j'ai pas d'ordre à recevoir. Ok. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas, Christine est donc l'ex de Gérard avant que, bien sûr, il tombe amoureux de Bibi. Mais ils ont eu quelques petites histoires. Et donc, Christine nous disait, Gérard, qu'elle a quand même passé des bons moments. Est-ce que toi, tu te souviens avoir passé de bons moments avec Christine? Moi, maintenant, c'est fini. Hein. Non, mais d'accord, mais ça n'empêche. Je veux dire, moi, voilà, je suis avec quelqu'un aujourd'hui, mais j'ai passé de bons moments avec les filles avec qui j'étais avant. Donc, je te demande, est-ce que tu as passé de bons moments avec Christine comme elle nous le dit, ou pour elle, c'est... Ou alors, c'est pure invention, ce qu'elle nous dit? Bon, personnellement, moi, j'ai pas eu de pure sensation avec elle. C'est vrai, Christine. Est-ce que toi, t'as eu de pure sensation avec Gérard? Au début, oui, mais après, c'était fini, après. Ouais. C'était quoi comme sensation pure que t'avais, Christine, envers Gérard? Je m'en rappelle plus. Hein. Non, tu t'en rappelles plus non plus. C'est ça, c'est qu'on a quand même, c'est quand même extraordinaire comme on peut se souvenir avec quelqu'un qu'on a eu des sensations d'enfer. Donc quand on s'en souvient de ça, on se souvient quand même des moments d'enfer. Et on s'en souvient même pas, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai un moment qui m'a beaucoup marqué entre toi, Christine. Que j'ai mis en lui, c'est ses poèmes. Il écrit bien les poèmes, il le dit bien. C'est vrai, Gérard, et tu le fais plus. J'aimerais qu'un de ces quatre, tu redescendes dans une cabine téléphonique et que tu nous relises quelques nouveaux poèmes quand même. Oh, ah bah ouais, ça nous ferait plaisir. Oh bah, et quand même, moi je me souviens d'un moment très très fort que les auditeurs n'ont peut-être pas connu. C'était il y a vraiment 3, il y a 4, ça fait combien de temps que vous étiez? C'était à quelle époque que vous étiez ensemble? Quelle année? Je m'en rappelle plus. C'était quelle année? Ouais, tu vois, moi je m'en souviens plus. Hein. C'était quoi, 95, 96, un truc comme ça en 96? Il y a 4-5 ans. Moi, j'ai un moment donné énorme. Je crois que Manu n'était pas encore dans l'équipe du Star System. Non. On avait fait une séance de dédicace devant la radio. On avait invité Christine et Gérard à venir un mercredi après-midi. On avait demandé aux auditeurs de venir. Et il y avait je ne sais combien de dizaines on pouvait chiffrer quasiment centaines de personnes. Pour une séance de dédicace, ça avait été énorme. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un film de ça qui est assez extraordinaire, qu'il faudrait qu'un de ces quatre je mette sur un site internet pour que vous puissiez voir Christine et Gérard qui étaient à l'époque quand même, on peut le dire, vous étiez amoureux l'un de l'autre. Ah ouais? Non. C'est moi qui ai signé alors. C'est toi qui as signé, c'est-à-dire? Bah, c'est moi qui ai signé les autographes parce que Christine a signé rien. Ouais, c'est vrai ça, Christine, tu signais pas les autographes? Si, j'ai signé. T'as signé quoi? T'as signé combien de cartes? Je m'en rappelle plus. Tu t'en rappelles plus, mais moi je m'en souviens. Pas mal quand même, hein. Faut pas dire. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Christine? J'ai dit, faut pas dire des conneries, je n'ai signé pas, bah, hein. Ouais, quand même, Gérard. Moi, ce que je vous propose tous les deux. J'ai pas mal de choses. En lui, quand même. Et moi, ce que je vous propose. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, là. Moi non plus, mais qu'est-ce que t'as dit, Christine? Non, j'ai dit, je l'ai aidé un peu quand même. Hein, tu m'as aidé dans quoi? Bah, à te calmer des fois, parce que des fois t'es énervé, t'es aidé à te calmer. Non, mais tu rêves, là, tu crois au Père Noël, ma petite, ou quoi? La seule qui est en train de m'aider pour l'instant, c'est Bibi. Attends, tu m'as aidé à me calmer, non mais... À l'époque, quand même. Tu avais joué ça dans Spirou Magazine. Ah non, Gérard, reconnais, Gérard, qu'à une époque, t'étais quand même très nerveux et que Christine, elle nous disait souvent qu'elle arrivait à te canaliser et à calmer ton humeur. Il arrêtait à boire aussi. Il était arrêté à boire pendant un moment. C'était bien. Mais arrête, c'est pas avec toi que j'ai arrêté de boire. Arrête tes conneries. Ne dis pas n'importe quoi devant des millions d'auditeurs. Au début, elle disait que t'avais arrêté de boire. Est-ce que c'est vrai? Mais non, c'est faux. Alors, Christine, qu'est-ce que tu racontes? Bon, Christine, alors donc, est-ce que tu as des souvenirs en dehors? Bon, l'histoire des... Parce que ça revient souvent, je voulais pas en parler, mais c'est les auditeurs qui nous demandent. L'histoire des cotonnés dans le cube, c'était vrai ou c'était quand même quelque chose que tu avais inventé de toute pièce? Oh, j'ai inventé. D'accord. Alors ça, c'est bien. T'inventes des conneries? Non mais... C'était pour rigoler, Oh ouais, bien sûr, toi ça te fait rire, bien sûr. Pour rigoler, on s'amuse à dire des conneries sur son copain, vas-y, ça s'est répondu... Des conneries c'est répondu dans n'importe où, et puis c'est moi qui me fais passer pour un con. Toi aussi t'as dit des conneries sur moi, alors tais-toi quand même, hein. Quoi, qu'est-ce que j'ai pu dire sur toi, alors, vas-y. À vous. Alors qu'est-ce que t'as dit? Vas-y Christine, dis qu'est-ce que... Vas-y. Je ne me rappelle plus. Hein, ah bah ouais. Ah ouais, allez, J'étais à l'hôpital, j'ai fait dépression, hein, j'étais pas là. Ah attends. Tu faisais dépression, c'est-à-dire que tu faisais... nerveux parce que j'étais malade, gars. Je pensais que tu faisais de la bière. Je pensais que tu faisais de la bière. Tu faisais dépression. Attends, tu faisais des dépressions nerveuses à cause de moi? Non, c'est pas à cause de toi, c'est... Il n'y a pas longtemps de ça. C'est cette année. Ah oui, d'accord, donc ça n'a plus rien à voir. Donc, l'histoire. J'ai perdu la mémoire Mais tu te souviens quand même que t'es sorti. tu te souviens que t'es sorti avec Gérard quand même. Oui, mais je ne me souviens pas trop beaucoup de choses. Hein. D'accord. Est-ce que... Je prends des médicaments pour les nerfs. D'accord. Hein. Christine, est-ce que tu peux quand même dire devant les auditeurs pour me prouver que tu n'en veux pas à Gérard, que tu l'aimes bien et dis-le en direct. Vas-y. Bah, je n'en veux plus, c'est terminé, c'est du passé. Je l'aime bien, c'est tout, ça va pas plus loin. Hein. Est-ce que tu serais capable, même pour le fun, de dire Gérard, c'est Christine, je t'aime bien? Non, je le dis pas. Non, mais... Je dis je t'aime bien, c'est oui, tout. Oui, bah tu dis, moi, Christine, j'aime Gérard, j'aime bien Gérard. Christine aime bien Gérard. D'accord, elle le kiffe. Comment? Elle le kiffe. Elle le quitte? Elle le kiffe. Elle le kiffe. Elle le kiffe. Avec un elle F. Kiffe. Elle le kiffe.